Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, le ton est à la joie et à la fête. J'ai noté dans ces lectures au moins 13 mentions des mots resplendir, gloire, lumière, clarté, brillance, éclat. Se donner au Seigneur, miser sa vie sur lui est source de joie et de bonheur. Se fier à lui, lui faire confiance en tout, mettre nos pas dans les siens, voilà comment réussir sa vie et irradier la lumière au milieu des ténèbres et des désenchantements de notre monde. Rappelons-nous les paroles d'Isaïe qu'on a entendues en première lecture. « Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi sa gloire apparaît. Alors que tu étais délaissé, haï sans personne qui passe, je ferai de toi la fierté des siècles, une joie de génération en génération. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Car le Seigneur t'a préféré et cette terre deviendra l'épousée. Voilà ce qui arrive à celui ou celle qui se consacre corps et âme au Seigneur et décide d'entrer librement dans cette amitié, dans son alliance. Les ténèbres se changent en lumière. L'obscurité ne l'empêche pas de marcher, de foncer et de garder l'espérance en tête et au cœur. Préférer le Seigneur à tout, c'est emprunter la voie royale, la seule qui conduit à la joie véritable et au bonheur durable. Se consacrer au Seigneur va dans les deux directions. L'épouse trouve sa joie en lui et lui en elle. Encore Isaïe, comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. La spécificité des vierges consacrées est d'être le signe de l'amour de l'Église épouse pour le Christ. Le signe de l'Église épouse pour le Christ, l'époux divin. Dans toute la Bible, Dieu cherche des mots humains pour nous dire son projet divin et l'image qui revient sans cesse pour nous dire le sens même du projet créateur et l'image de l'amour nuptial. C'est ce que nous vivons ce soir en étant témoins de cette consécration qui célèbre bien sûr ce qu'Élise accepte de faire, de donner sa vie et de se consacrer à Dieu, mais qui célèbre aussi la fidélité de Dieu depuis toujours, qui veut vivre cela selon chacune de nos vocations avec nous. Que nous soyons en communion, en alliance avec lui. Telle est la bonne nouvelle. Telle est la joie de l'Évangile. Se consacrer au Seigneur, se donner à lui sans réserve, c'est jouir et goûter aux délices de son amour et de la richesse de sa gloire. Devant le don que l'épouse fait d'elle-même, l'époux n'a de cesse de la combler de ses dons et de faire sa joie et son bonheur. La deuxième lecture tirée du livre de l'Apocalypse, sans doute un des livres les plus ardus de la Bible, qu'on trouve le plus difficile. Apocalypse vient du mot grec qui veut dire « révélation ». L'Apocalypse est le livre des révélations de Dieu, des révélations par Dieu aux hommes, des choses cachées et connues de lui seul. C'est donc parfois difficile de décrypter le message de ces révélations. Nous sommes ici, dans ce que nous venons d'entendre, au chapitre 12. Nous connaissons le passage. Il est question d'une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. La tradition de l'Église y voit la préfiguration de la Vierge Marie. L'auteur nous dit que la femme en question est la proie d'un grand dragon rouge feu qui veut dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, voilà que la parole de Dieu nous raconte que l'enfant est enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Dieu sauve la femme et son enfant. Dieu prend toujours soin de son monde. Voilà le message que je retiens pour la célébration de ce soir. Dieu n'abandonne jamais ceux et celles qui se consacrent à lui. Même les grands dragons rouge feu qui nous assaillent et nous bombardent de partout en ce moment n'auront jamais le dernier mot. Ce n'est pas parce qu'une personne se consacre à Dieu que disparaissent les obstacles et les ennuis sur la route. Nous le savons, nous qui avons déjà un peu plus de kilométrage de fait dans la vie, que notre foi et notre désir et notre engagement à suivre le Christ, à vivre et se consacrer à lui, ne rend pas notre vie toujours plus simple, au contraire. Nous devons tous et toutes faire face à nos propres dragons. Parfois, ils sont à l'intérieur de nous, et nous avons à nous laisser purifier, guérir, convertir par Dieu. C'est le processus de toute une vie. Parfois, ces dragons ou ces épreuves sont à l'extérieur de nous, et nous nous sentons attaqués de toutes parts. Mais ce que nous devons toujours nous rappeler, c'est que notre vie est entre les mains d'un Père qui nous aime et qui veille sur nous. Nous pouvons lui faire confiance et marcher en sa présence. Il ne nous abandonne jamais. Même la mort n'aura pas le dernier mot. Ces derniers temps, j'ai eu à accompagner quelques personnes dans les derniers jours, dans les derniers moments de leur vie. C'est toujours très touchant de prier avec ces personnes. Et très souvent, je vais choisir tout simplement de prier tout doucement le psaume 22. En voici quelques extraits. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, me guide, sûr. Quelle confiance! Et je crois que c'est cette confiance qui nous permet de nous engager dans notre propre vocation. C'est ce qui permet ce soir à Élise de faire le don de sa vie. La petite Thérèse dirait, la confiance, rien que la confiance. En relisant le texte silencieusement chez moi de l'Évangile qu'on vient d'entendre en préparant l'homélie, je me suis surpris à dire ceci en paraphrasant l'Évangile. Vous me pardonnerez. Dans l'Évangile, Jésus dit à Marie-Madeleine, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Moi, j'ai écrit, « Élise, pourquoi pleures-tu? » Lui demandent les anges. Élise de répondre, « On a enlevé mon Seigneur. » Pas mon Seigneur de la croix, là. « Mon Seigneur. » Trompez-vous pas, là. « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » L'épouse est en pleurs et troublée, car son bien-aimé n'est plus dans le tombeau. Ayant dit cela, Élie se retourna et l'aperçoit, qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, Élise lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » L'épouse veut chercher, prendre, étreindre son époux, où qu'il se trouve. Devant tant d'empressement, devant pareille quête amoureuse, le bien-aimé lui dit, « Élise. » Aussitôt en entendant son nom, Élise reconnaît son époux et lui dit en hébreu, « Rabouni », qui veut dire « maître », « mon seul maître », avec une connotation amoureuse et d'une infinie tendresse. « Mon maître bien-aimé, mon bien-aimé Seigneur. » Cet épisode s'accorde bien avec l'événement qui nous rassemble ici ce soir. Élise écoute cette Marie-Madeleine qui se reconnaît à l'appel de son nom. Elle est cette épouse dont le cœur se serre en se sentant tout à coup reconnue par celui-ci qu'elle cherche et désire. Les larmes de chagrin se changent en larmes de joie. Marie-Madeleine trouve son bien-aimé avant même de l'avoir cherché. Aussitôt dévorée par la joie, elle se fait missionnaire. Elle court, elle sort. Mot que le pape François nous rappelle souvent. Elle sort, annoncer aux disciples nouvelles. J'ai vu le Seigneur. Ce cri de Marie-Madeleine, chère Élise, tu le reprends pour le lancer à notre Église. Ce cri, tu veux le placer sur tes lèvres et dans ton cœur à jamais, en te consacrant comme vierge à ton Rabouni, à ton bien-aimé maître et Seigneur. Élise, le feu qui brûle le cœur de Marie-Madeleine, tu l'exprimes à ta façon dans ce que tu as écrit. J'ai vu le Seigneur et sa rencontre a tellement brûlé ma chair et mon cœur que je veux me consacrer sans réserve à lui. Coûte que coûte, corps et âme, quoi qu'il arrive, je m'offre et je me donne à lui, sans détour, sans retour. Je veux répondre à l'amour par l'amour. Je veux qu'il dispose de ma vie comme il l'entend. Je veux lui offrir jusqu'aux replis les plus reculés, les plus secrets et de ma personne. Comme Marie, je veux être la servante du Seigneur. Merci, Élise, d'être pour nous tous et toutes ici, signe, témoin, missionnaire de l'amour, en répondant à cet appel, cette vocation toute particulière dans l'ordre des vierges consacrées vivant au cœur du monde. La parole de Dieu et la consécration de ce soir nous rejoignent et nous interpellent, car nous aussi, nous sommes des consacrés. Juste pour me donner une idée, combien de personnes sont consacrées ici ce soir? Levez donc la main, s'il vous plaît. Seulement ceux-là? Laissez-moi reposer la question avec quelques précisions. La première consécration, c'est notre baptême. Je pose la question. Combien de personnes consacrées ici ce soir? Ah, vous me rassurez. C'est là que débute cette grande aventure, consacrée par Dieu dès notre baptême. Mes amis, notre consécration baptismale est gravée en nous comme un sceau. En voyant ce Christ qui fait ce pas et qui entre dans un engagement, dans un don tellement grand, nous pouvons nous aussi à Dieu que nous souhaitons continuer de vivre le nôtre, le don qu'on a reçu de sa présence, de cette vie qui nous habite, en aimant nous aussi notre bien-aimé, de tout notre corps, de toute notre chair, de notre pensée, de notre esprit, de notre cœur, de notre âme, et lui appartenir selon la vocation de chacun, chacune. Nous avons tant de beaux exemples de sainteté dans notre histoire québécoise. Des femmes et des hommes qui se sont livrés par amour à Dieu et se sont consacrés à son service. Madame Nadeau-Lacour nous faisait écho dans sa présentation de cela. Pensons ce soir à deux grandes femmes chez nous, ici, à Québec, qui m'apparaissent particulièrement parlantes pour nous ce soir. Sainte Marie de l'Incarnation et la bienheureuse Dina Bélanger. Chacune à leur façon ont laissé un témoignage de grande intimité avec le Seigneur, le don total de leur vie. Et leur vie consacrée a porté de grands fruits. À leur époque et encore aujourd'hui, elles nous inspirent. Je suis convaincu que le Seigneur appelle encore aujourd'hui, des femmes et des hommes, des jeunes, à se donner à ce don total, à ces épousailles, pour que notre Église, à Québec et au Québec, et dans notre monde, connaisse et s'ouvre à l'amour de Dieu et à son royaume. Poursuivons cette célébration dans la joie du Seigneur qui se laisse reconnaître en nous appelant chacun, chacune par notre nom. Restons disponibles, nous aussi, pour être à l'écoute de son appel. Un bien-aimé qui nous brûle le cœur et nous invite à nous aimer les uns les autres comme lui nous aime. Un bien-aimé qui nous brûle le cœur pour que nous puissions aimer ce monde comme lui l'aime.